Alors, peut-être Luc qui s'invite. Peut-être quelques mots quand même, Anne-Marie, sur la diffusion justement de ce film, ce que vous recherchiez en réalisant ce film, et est-ce que ça a finalement marché? En fait, moi et je pense que les autres, donc là j'ai plutôt travaillé avec Jean-Luc, nous on n'était pas dans la mouvance non violente, puisqu'on avait déjà quand même participé à des luttes ouvrières, et bon, c'était quand même pas la fleur à la bouche. Et en fait, nous ce qu'on avait vraiment envie de. Donc après d'avoir un peu analysé tout ça, on voulait savoir ce que les gens. Comment ils analysaient la situation en fait. On était venus en me disant qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez, comme on a fait. Ça, il y avait une dizaine de personnes. Et en fait, à la fin du compte, c'était de dire, c'est les forces de l'ordre qui ont apporté la violence, on va dire, comme à Notre-Dame-des-Landes, où j'ai compris des trucs. Voilà, je veux dire, 30 et quelques années après. C'était aussi de dire, par rapport à ce discours quand même dominant, et qui était véhiculé aussi par France 3, qui montre toujours les mêmes images de quelqu'un qui en jette une pierre ou quelqu'un qui a un casque et tout ça ou un bâton, c'était aussi pour dire non, c'est pas ça. Il y a une violence d'État qui a fait appel à une violence de la police et qui s'oppose au désir des gens sur place. C'était ça quand même. Et justement, le reportage de France 3 en 2007, à la fin du reportage, il y a les deux animateurs, donc de la gueule ouverte là et puis un autre. Qui disent, c'est pour ça que ça m'a énervé, qui disent c'est la faute des forces de l'ordre et des gens qui ont attaqué. Alors c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Voilà, moi j'ai une révolte là-dessus, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, alors après justement quand on entend les personnes là qui elles étaient au corps, enfin tout près, leur maison était dans le pré, elles étaient vraiment au premier rang. Quand on voit toutes ces personnes âgées, ces femmes qui disent ça, on se dit. Voilà, il y a un problème idéologique. Et voilà, et donc moi, ça m'intéressait de cette question de la non-violence dans les mouvements, quoi. Et de la poser comme a priori. Oui, cette vidéo, donc, vous l'avez beaucoup diffusée dans le coin. Et tu expliquais que l'objectif, c'était quand même de rassembler les habitants des communes autour de ma ville. Bah, pour essayer de créer une riposte. Ouais, bah alors là, c'était du tout. Et que cette résistance, finalement, ça a échoué. Mais non, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu, il y a eu un traumatisme. Voilà, t'as le traumatisme, comme Fukushima, je pense, c'est un traumatique. Ouais. C'est traumatique. La peur s'installe. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est... tu peux. Le seul victoire qu'on ait eu, c'est qu'on l'a diffusé à Crémalville même, donc à la mairie. Ça, c'était une grande victoire parce qu'on n'avait jamais pu diffuser donc, sur le lieu d'implantation de la centrale. Mais autrement, quand on a commencé un peu à le diffuser, tout ça, les gens, ils avaient la pétoche, quoi. Il y avait eu des arrestations, des blessés, des morts. Bon, ça va, on rentre chez soi, quoi. Et ça, c'était de responsabilité. Très, très important, quoi, je veux dire. Donc, c'est ça. L'idée, c'était qu'il y ait un lieu de parole. Un psychanalyse, presque, hein, carrément. Oui, c'est ça, que les gens parlent d'événements, quoi. Mais c'est vrai que c'était ceux qui ont pu parler, c'est les habitants racontent, c'est les seules choses qu'on a pu, en fait... Donc après ça s'est dilué, j'en ai encore discuté, c'est vrai que ça a été... les gens, ils ont eu peur, voilà. C'est ça, et après, ils ont eu peur, quoi. C'est pas des...